Bonjour, ravi de vous retrouver sur Radio Gamozo pour Amadou Décryptage. Je vais continuer à vous décrypter les expressions françaises et les noms qui font l'histoire. Amadou Décryptage, épisode 12, c'est maintenant. Tout de suite, une expression, les doigts dans le nez, sans aucune difficulté. Cette expression évoque la désinvolture et l'insouciance d'un geste d'enfant. Dans les compétitions, elle fait ressortir le constat de la valeur du champion. Elle réalisait un exploit les doigts dans le nez, suggère même un certain dilettantisme. Notons au passage la contradiction entre cette expression et les bonnes manières, dont des leitmotivs n'est autre que « ne mets pas tes doigts dans le nez ». Le cas échéant, n'enfoncez pas trop les doigts dans le nez, car dans la partie haute se trouve la lame criblée. C'est une fine paroi osseuse dont l'épaisseur est à l'ordre du millimètre. Son nom vient de la multitude d'orifices qui la traversent et servant de passage aux terminaisons du nerf olfactif. Arrivé en haut des fosses nasales, un doigt ne se trouve qu'à quelques millimètres du cerveau. Heureusement, le doigt ne présente pas de danger. Mais ce ne serait pas le cas pour un objet pointu, comme un crayon de papier. Si, si, il y a eu des accidents de ce genre. Le nerf olfactif permet de distinguer les odeurs, mais son rôle déterminant dans la différenciation des goûts est moins connu. La langue ne sait reconnaître que le sucré, le salé et l'amer. C'est né que le nez qui fait le reste, car les saveurs du contenu de la bouche remontent par le fond de la gorge vers la lame criblée. En sport, on peut gagner les doigts dans le nez, même au sens propre, si on peut dire. Mais dans des concours de dégustation, ce n'est pas possible. Passons maintenant à des noms qui font l'histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Eugène Rimmel. Comment un parfumier a-t-il transformé le regard des femmes? Chaque matin, le rituel est le même, entre la tasse de thé, la tartine de beurre et le choix de la tenue. Il y a pour beaucoup de femmes une étape incontournable, le maquillage. Et si une femme met aujourd'hui en moyenne 23 minutes à se maquiller, cela n'a toujours pas été le cas. Il fut un temps où les trousses de maquillage n'existaient pas. Les femmes devaient fabriquer elles-mêmes leurs cosmétiques. Jusqu'au 19e siècle, les plus coquettes subliminaient les yeux avec une poudre noire constituée de sureau de cendre, de suie et de jus de baie. Une fabrication artisanale dont la composition laisse à désirer. Mais il y avait bien pire. Dans l'Égypte antique, le maquillage pour les yeux était une mixiture de miel, de poudre d'amande calcinée d'antimoine, un produit au beau reflet bleuet mais hautement toxique, et de fiente de crocodile. C'est sûr, comme parure, on n'a vu plus glamour. Si seulement les femmes d'alors avaient pu se mettre un simple coup de rimmel sur les cils, il a fallu pour cela l'invention de ce produit révolutionnaire par Eugène Rimmel. C'est en 1834 qu'Eugène quitte sa France natale pour suivre son père à Londres. Il l'aide à tenir une boutique de parfums auquel les deux hommes donnent leur nom, Rimmel London, une marque qui existe encore aujourd'hui. Véritable chimiste dans l'âme, Eugène conçoit de nombreux parfums et de produits cosmétiques avant d'ouvrir en 1844 sa propre boutique, la chambre Rimmel. La marque Rimmel devient rapidement célèbre, en particulier pour ses parfums. On raconte même que la reine Victoria s'approvisionne chez lui. Le 19e siècle est incontestablement le premier siècle de la consommation de masse. Les grands magasins se développent et le marché des cosmétiques bat son plein. Les femmes peuvent désormais se procurer parfums, poudres, crèmes, mais toujours pas de maquillage pour les yeux. Une anomalie dont l'inventif avant-gardiste Eugène Rimmel va s'emparer en concevant un produit pour les yeux non toxique et accessible à toutes dès 1880. Ce n'est pas encore le mascara que nous connaissons, constitué d'un tube et d'une brosse, mais un bloc noir sur lequel il faut frotter un pinceau pour ensuite se colorer, allonger les cils. Le produit est composé d'un nouvel ingrédient à base de pétrole, la vaseline formant ainsi une texture plus maillable. Le succès est au rendez-vous et dépasse toutes les espérances, mais Eugène n'est plus là pour le voir. Ce sont ses fils qui, après avoir repris l'entreprise à la fin des années 1880, commercialisant au Royaume-Uni cette invention sous le nom de Rimmel. Cette dernière se vend comme des petits pains, traverse la Manche puis l'Atlantique et transforme le monde des cosmétiques. Elle devient tellement populaire que la marque désigne couramment tout type de mascara. Les cils des femmes Ainsi orné, une seule chose reste à espérer, que l'actuel mode des cosmétiques faites maison ne réintroduise pas cette fiente de crocodile dans les préparations. C'est ainsi que s'achève cette émission Amadou Décryptage. C'était la dernière de l'année 2019. On se retrouve courant de l'année 2020 sur Radio Gemozo. Passez une excellente journée sur notre antenne et moi je vous dis bye bye.